إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc un cours, comme rappel, sur certaines notions et règles du pèlerinage. Alhamdulillah, il y a beaucoup de cours qui sont donnés là-dessus et de rappels aussi. Il y a beaucoup d'ouvrages écrits là-dessus pour expliquer la manière et la façon d'accomplir ce cinquième pilier de l'islam, parmi lesquels l'ouvrage qui vous a été donné qui est en français. Le cours qu'on va voir, il est pris d'un livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Muyassar, c'est-à-dire le fiqh, la jurisprudence simplifiée. Après quelques chapitres concernant les arguments et les preuves sur l'obligation et les règles du pèlerinage, on en arrive à Al-Bab al-Rabi', le quatrième chapitre concernant le domaine du pèlerinage. Fi sifati al-Hajj wal-Umra, sur la manière d'accomplir le pèlerinage et la Umra. Al-Aslu 'inda ahli al-'ilm fi sifati al-Hajj hadith Jabir al-Mashhur alladhi rawahu Muslim. Donc, à la base, le hadith qui fait référence dans ce domaine, dans la manière d'accomplir le pèlerinage, c'est le célèbre hadith de l'honorable compagnon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, qu'on retrouve dans l'authentique de Muslim. C'est un hadith qui est long. C'est le hadith pratiquement le plus complet qui nous explique la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage depuis qu'il est sorti de Médine, alayhi salatu wa salam, accompagné des compagnons pour accomplir le pèlerinage. وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية. Et donc là, les auteurs du livre, ils vont nous réunir les différentes variantes de ce hadith qui va donner le texte qui va suivre. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل. Lorsque la personne qui veut accomplir le pèlerinage, un nusuk, le rituel du pèlerinage et de la umrah, lorsqu'il atteint al-miqat, al-miqat c'est la limite. Et ici, il est voulu la limite dans l'espace. Il y a al-miqat al-zaman et miqat al-makan. Ici, il est question de al-miqat en tant que lieu, comme celui qui est connu pour les personnes qui passent d'abord par Médine et qui après iront faire le pèlerinage, le miqat qui s'appelle Dhul Hulayfa, qui n'est pas très loin de Médine. Donc arrivé à cet endroit, à l'endroit de l'miqat, il est recommandé d'accomplir le lavage du corps, de faire une douche. وَيَأْخُذْ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَخْذِهِ مِنْ شَعْرٍ يَحِلُّ أَخْذُهُ كَشَعْرِ الْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَالشَّارِبِ وَيُقَلِّمْ أَظَافِرَهُ وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلْ مِنَ الْمَخِيطِ وَيَتَطَيَّبْ فِي بَدَنِهِ قَبْلَ نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً نَظِيفَيْنِ أَبْيَضَيْنِ. Puis après s'être douché, la personne donc pourra se couper les poils, se raser les poils, là où il est permis, autorisé de le faire, comme les poils des aisselles, du pubis, de la moustache. Il ne parle pas de la barbe parce que, à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux hommes de laisser pousser la barbe. Donc il y a l'interdiction de raser ou tailler la barbe. De se couper les ongles, et l'homme aussi devra s'éloigner et quitter tout vêtement cousu, tout vêtement qui se porte comme un maillot, une chemise, un kamis et autres, les vêtements qui sont cousus pour être portés. L'homme, pour cet acte de sacralisation, pour accomplir le pèlerinage ou la umrah, doit s'en éloigner. Il pourra à ce moment-là aussi se parfumer le corps et non pas les vêtements de l'ihram, non pas les étoffes et les tissus réservés à l'ihram, ceux-là n'ont pas le droit d'être parfumés, mais ils se parfument le corps avant d'entrer en état de sacralisation. Et à ce moment-là, l'homme devra mettre comme vêtements un izar et un rida. Ce sont donc deux étoffes de tissus de couleur blanche propre, l'un réservé pour le bas du corps, donc qui sera mis à partir de la taille, et l'autre pour couvrir le haut du corps en couvrant les deux épaules. وَتُحْرِمُ الْمَرْأَةِ فِي مَا شَاءَتْ مِنْ ثِيَابِ. Et la femme, elle se met en état de sacralisation avec le vêtement qu'elle veut. Avec le vêtement qu'elle veut, un vêtement qui couvre son corps, un hijab, jilbab et autres vêtements reconnus comme étant un bon vêtement pour la femme musulmane. Elle entre en état de sacralisation avec ses propres vêtements. وَيُغَطِّ الرَّجُلُ كَتِفَيْهِ بِرِدَائِهِ. Rida, c'est l'étoffe réservée au haut du corps. Et l'homme devra se couvrir les deux épaules. Donc c'est bien précisé. Contrairement à l'erreur que certains font qui découvrent leur épaule droite pendant tout le parcours, depuis qu'ils l'ont mis à al-miqat. Et ceci est une erreur, il faut se couvrir les deux épaules. Et on verra plus tard à quel moment est demandé de découvrir l'épaule droite. وَيُهِلُّ بِنُسُكِهِ الَّذِي يُرِيدُ. Et il va formuler, prononcer l'intention du rituel dans lequel il va rentrer. Donc il va formuler déjà depuis son cœur. Et le formuler avec sa langue aussi, c'est un moment où cette intention, elle est formulée par la langue. Donc il est permis à ce moment-là, car à la base, les intentions sont dans le cœur et on n'a pas à les prononcer. Donc il va formuler le rituel qu'il veut accomplir. Soit il va dire qu'il vient pour une umrah, soit il va dire qu'il vient pour un hajj, soit il va dire qu'il vient pour une umrah et un hajj ensemble, c'est-à-dire avec le même... Tu peux baisser tes jambes, Inch'Allah. Ensemble, le hajj et l'umrah ensemble. Parce que pour le hajj, il y a trois rituels de connus. Et l'un, c'est le meilleur à faire. Les trois rituels, il y a ce qu'on appelle l'ifrad. L'ifrad, c'est d'accomplir que le pèlerinage. La personne ne fait pas de umrah. Il fait que le pèlerinage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ifrad. On a ce qu'on appelle l'qiran. L'qiran, c'est d'accomplir la umrah et le hajj avec le même acte de sacralisation, avec le même ihram. La personne, elle va arriver à Mecca, elle va accomplir la umrah et il restera en état de sacralisation jusqu'à accomplir le hajj. Et il y a ce qu'on appelle al-tamattu'. Et le tamattu', c'est le plus répandu, le plus connu chez les gens et le plus accompli, et c'est le meilleur à faire. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a enseigné, c'est le meilleur à faire. C'est de venir avec la niya de faire une umrah pendant la période, les mois du hajj, comme ici, comme maintenant. Une fois que la umrah elle est terminée, on sort de l'état de sacralisation, on redevient une personne normale, on n'est plus en état de sacralisation, on n'est plus en ihram. Puis quand les jours du hajj commencent, à ce moment-là, on se remet à nouveau avec un nouvel état de sacralisation, un nouveau ihram. Donc on fera deux ihram, l'un pour la umra, l'un pour le hajj. C'est ce qu'on appelle at-tamattu' et c'est ce qui est le mieux à faire. والافضل ان يكون اهلاله اذا استوى على دابته. Et le mieux, c'est qu'il prononce, il se met en état de sacralisation lorsqu'il est monté sur sa monture. Donc, en l'occurrence, pour vous, si jamais vous partez de Médine, donc vous allez arriver à Dhul Hulayfa, vous allez faire tout ce qu'on a vu précédemment, puis vous attendez de monter dans le bus, dans le car qui est réservé pour vous. Une fois assis à votre place et que le car va pas tarder à démarrer, à ce moment-là, le mieux, c'est ce moment-là où il faut formuler l'état de sacralisation. وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ يَخَافُ عَنْ عَائِقٍ يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمَامِ نُسُكِهِ كَمَرَضٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Et si la personne craint, il a un problème, il a une maladie qui peut l'empêcher de terminer le pèlerinage. Ou alors, il vit dans une époque où il y a un danger sur la route. Comme à certaines époques, il y avait des brigands sur le chemin. Donc la route, elle n'était pas en sécurité, il n'y avait pas de sécurité. Donc la personne qui réellement a une crainte et pense qu'il se peut, yarhamukallah, qu'il se peut qu'il ne termine pas son pèlerinage, qu'il va avoir un empêchement, soit d'un point de vue de sécurité, soit la maladie, hein, qui peut à tout moment le bloquer, l'empêcher de terminer, alors il dira au moment de prononcer son état de sacralisation, par exemple, il veut faire la umrah, il dit « labbaik Allahumma bi umrah », il veut faire que le hajj, « labbaik Allahumma bi hajj ». Il rajoute aussi « Allahumma mahilli haythu habastani ». Oh Allah, hein, mon rituel va s'arrêter là où tu m'as stoppé, là où tu m'as arrêté. Et celui qui a fait cette dua-là, qui a rajouté, mais ça c'est la personne qui réellement, il a une crainte. Celui qui n'a pas de crainte n'est pas concerné. Donc celui-là, qui dit ce dua, là où il va être bloqué, il n'aura pas pu terminer, et bien son pèlerinage sera compté complet. Le pèlerinage lui sera compté complet. Car ce n'est pas lui, la faute ne vient pas de lui, mais il a été contraint. Mais c'est celui qui a préciser cette dua-là. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة. Il est recommandé qu'au moment où il fait son état de sacralisation, qu'il la formule, qu'il soit en direction face à la Qibla, face à la Mecque. ويقول اللهم. Ça aussi c'est un des duas, une des façons de faire l'état de sacralisation. اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. Oh Allah, je viens à toi avec un pèlerinage qui ne comporte ni ostentation. Je ne cherche pas à être vu des gens. Je ne cherche pas les éloges et que les gens parlent en moi de bien. Je ne cherche rien, ni visuellement, ni à entendre des choses bonnes à mon encontre pour cet acte d'adoration. ويشرع في التلبية وَيَشْرَعُ فِي التَّلْبِيَةِ. Et après avoir formulé, donc, il pourra commencer à faire التَّلْبِيَةِ, la formule que dit le pèlerin lorsqu'il est dans le chemin en direction de la Mecque. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Et il répétera cela à maintes reprises durant son trajet. وكان الصحابة يزيدون. Et les compagnons ajoutaient aussi لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل. Ça c'est aussi parmi les formules qu'on peut rajouter puisque les compagnons رضي الله عنهم le faisaient. ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. Et il est légiféré, il est recommandé d'élever la voix dans la تلبية. فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل. Une fois arrivé à la Mecque, donc pour vous, vous allez arriver à l'hôtel, d'accord ? Vous allez directement à l'hôtel pour prendre vos chambres et entrer vos bagages. Il est recommandé de faire encore à nouveau un lavage du corps, de faire sa douche. أن يطوف يطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه. Puis vous allez arriver devant la Kaaba. Le premier acte à accomplir, c'est d'aller à la Kaaba. Une fois que vous êtes arrivé à la Kaaba, pour commencer le tawaf. Le tawaf, cet acte d'adoration qui est le fait de tourner autour de la Kaaba, qu'on appelle aussi la circumambulation. Il est demandé à l'homme de se mettre en état d'ittiba'. L'ittiba', c'est de prendre l'étoffe qui couvre le haut du corps, le tissu, al-rida', le tissu qui couvre les deux épaules, et de découvrir l'épaule droite. C'est à ce moment-là que c'est demandé. C'est à ce moment-là que c'est demandé. Donc de laisser seulement l'épaule gauche couverte et l'épaule droite découverte. Donc, hein, on prend les deux extrémités de l'étoffe, comme ça, d'accord? On pose sur son épaule gauche et avec le côté droit, on le repose sur le. Et on a l'épaule droite qui sera découverte. ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئاً. Et parmi les conditions pour le tawaf, c'est d'être en état d'ablution. Donc la personne doit être en état d'ablution. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيُقَبِّلُهُ. Et il est recommandé aussi de toucher la pierre noire et de l'embrasser. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ إِسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ. S'il ne le peut, alors il se contentera de le toucher avec sa main et d'embrasser sa main. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ يشير إليه بيده ولا يقبلها. S'il ne le peut, alors il se contentera de faire signe avec sa main face à la pierre noire. Et il n'embrassera pas sa main. Sa main n'a pas touché la pierre noire, il n'aura pas à l'embrasser. ويفعل ذلك عند كل شوط. Et il devra faire ce geste à chaque tour. La troisième façon là que je vous ai dit, c'est celle qu'en général tout le monde va faire. Très peu atteindront la pierre noire. Avec le monde qu'il y a, c'est pratiquement impossible. Et chaque tour commence, débute par le takbir. Proclamer la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en disant Allahu Akbar. Et si au début du tawaf, le premier tour, il a dit Bismillah, au nom d'Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, c'est bien. وَإِذَا أَتَى الرُّكْنَ الْيَمَانِ إِسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُقَبِّلْهُ. Et lorsqu'il atteint l'angle yéménite, c'est l'angle pendant que vous tournez qui précède celui de la pierre noire. Celui de la pierre noire. L'angle yéménite, il est recommandé de le toucher, mais sans embrasser la main. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِسْتِلَامُهُ فَإِنَّهُ لَا يُشِرُ إِلَيْهِ. S'il n'a pas pu le toucher, il n'aura pas à faire signe face à l'angle yéménite. وَلَا يُكَبِّرْ. Et il n'a pas besoin de dire Allahu Akbar. وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَهُمَا الرُّكْنِ الْيَمَانِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ. Et il est recommandé de dire entre les deux angles, c'est-à-dire l'angle yéménite et l'angle de la pierre noire. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. C'est la seule doua précise à dire à un moment précis qui est connu durant le tawaf. Sinon, durant le tawaf, la personne récite le Coran, fait des douas, fait du dhikr. S'il peut réciter des douas rapportés du prophète, c'est bien le meilleur à faire. Mais il n'y a pas un doua précis à dire, par exemple, comme certains le font, mais ce sont des innovations. Pendant le premier tour, tel doua, pendant le deuxième tour, tel doua, pendant le troisième tour, tel doua. Tout ceci n'existe pas dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Pendant le tawaf, le seul dua connu précisément à dire, c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, qu'on dit entre l'angle yéménite et l'angle où il y a la pierre noire. ويدعو في بقية الطواف بما شاء. Et il invoque durant le tawaf, durant les tours, qu'il accomplit ce qu'il veut comme invocation. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل فوق المشي ودون العدو. Et il est recommandé pour les trois premiers tours, pour les hommes, de faire ce qu'on appelle al-ramal, qui est une marche rapide. Ce n'est pas une simple marche et ce n'est pas une course à pied. Hein? Une marche rapide, il presse le pas pendant les trois premiers tours. وَيَمْشِ فِي الْأَرْبَعَ Et les quatre derniers tours, il ne fera que marcher simplement. فَإِذَا أَتَمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاتٍ غَطَّى كَتِفَيْهِ بِرِدَائِهِ Lorsqu'il a terminé les sept tours autour de la Kaaba, il devra recouvrir complètement ses deux épaules. C'était seulement pour ce tawaf bien précis où il était demandé de découvrir l'épaule droite. Le tawaf il est terminé, on remet le rida sur les deux épaules. Thumma nafadha ila maqam Ibrahim. Puis tu vas vers la station debout d'Ibrahim alayhi salam, qui est face à la porte de la Kaaba. Qui est face à la porte de la Kaaba. Ça, c'est si c'est possible. Hein. Si ce n'est pas possible, tu te mettras à n'importe quel endroit de la cour de la mosquée sacrée. فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Et il est bien de réciter ce verset. وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ Et il accomplit une prière de deux rak'a, de deux unités de prière, face, derrière le maqam. Tant que c'est possible, s'il y a trop de monde, à n'importe quel endroit. يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِصُورَةِ الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَ بِصُورَةِ الْإِخْلَاصِ Il récitera dans la première rak'a, après la fatiha, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Et dans la deuxième rak'a, après la fatiha, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمَقَامِ لِزِحَامٍ وَنَحْوِهِ صَلَّى فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ Comme je vous ai dit, et s'il ne peut pas prier derrière Maqam Ibrahim, à cause de la foule, le nombre de personnes présentes, alors il priera à n'importe quel endroit de la mosquée. وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ لِلْمُفْرِدِ والقارن وطواف العمرة للمتمتع. Ce tawaf accompli, qui est le premier tawaf accompli pour al-mufrid, c'est celui qui est venu avec l'ifrad, et al-qarin, celui qui est venu avec al-qiran, c'est-à-dire celui qui est venu seulement pour le pèlerinage, ou celui qui est venu pour la umra et le hajj avec le même état de sacralisation. Pour ces deux-là, ces deux catégories de gens, ce tawaf, on l'appelle pour eux tawaf al-qudum. C'est le tawaf d'arrivée. Le tawaf d'arrivée. Mais pour al-mutamattir, celui qui est venu avec le tamattur, qui est d'accomplir la umrah avec un état de sacralisation, seul, puis il y a un nouvel état de sacralisation pour le hajj. Celui-là, c'est pour lui, c'est le tawaf de la Umrah. Pour lui, c'est le tawaf de la Umrah. ثم يشرع له أن يشرب من زمزم. Puis, il lui est recommandé, après avoir prié derrière Maqam Ibrahim, de boire de l'eau de Zamzam. ويصب على رأسه. Et il est bien aussi de verser de l'eau de Zamzam sur sa tête. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. Puis, si c'est possible, il retourne à la pierre noire pour la toucher et l'embrasser. Mais dans les cas d'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. ثم يخرج إلى الصفاء. Puis il se dirige vers الصفاء. الصفاء et المروة sont deux monts, des petits monts qui sont à côté de la Kaaba. Il y a à peu près un peu plus de 400 mètres qui les séparent. C'est là où on fait le long couloir où on fait les va-et-vient. Et on commence par الصفاء. Donc on va aller vers الصفاء. ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. Puis il récite le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala, au sens du verset, certes as-safa et al-marwa font partie des symboliques d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yarqa as-safa hatta yara al-bayt. Donc il va monter sur as-safa de sorte à pouvoir voir la Kaaba si c'est possible. Wa yastaqbilu al-qibla, et donc il est en face de la qibla. Et la qibla, quand on est à l'intérieur de la mosquée, c'est la Kaaba. Lorsqu'on est à l'intérieur de la mosquée, ce n'est pas n'importe quel endroit de la mosquée qui est la qibla. La qibla, c'est le plein centre qui est la Kaaba. Lorsqu'on est en dehors de la mosquée, la qibla, c'est la mosquée. Et lorsqu'on est en dehors de la Mecque, la qibla, c'est la Mecque. Mais lorsqu'on est dans la ville de la Mecque, la qibla, pour tous les habitants et ceux qui sont à la Mecque, c'est la mosquée sacrée. Et lorsqu'on est dans la mosquée sacrée, c'est la Kaaba. D'accord ? طيب. ويرفع يديه, et il lève ses deux mains. ويقول, et il dit الله أكبر ثلاثا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا. Donc il récite ce que je viens de vous réciter, le takbir trois fois, Allahu Akbar trois fois, puis la formule que vous avez entendue. Une fois qu'il a fait cela, il lève les mains et il fait des doigts. Il fait des doigts. Puis il s'arrête. Il redit la formule trois fois Allahu Akbar, la formule que vous avez entendue, puis il relève les mains et il fait les doigts. Et il refera ça une troisième fois. Une fois qu'il a fait ça, donc à ce moment-là, il pourra descendre pour aller en direction de Al-Marwa. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا. Donc comme je vous ai dit, il répète cela trois fois en invoquant entre ces formules longuement. ثم ينزل ماشيا إلى المروة. Puis il descend pour se diriger vers Al-Marwa, l'autre mont qui s'appelle Al-Marwa. وَيَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْدَرَيْنِ سَعْيًا شَدِيدًا. Et il devra presser le pas fortement entre les deux lumières vertes. Hein? Donc dans le couloir, on le voit, elles sont en hauteur, il y a des lumières vertes. Entre les deux lumières vertes, l'homme devra presser le pas, courir un peu. وذلك للرجال دون النساء. Et ceci est propre aux hommes, non pas aux femmes. ثم يمشي حتى يرقى المروة. Puis il reprend sa marche normale jusqu'à monter sur le mont de المروة. فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا. Et il fera la même chose au-dessus de المروة comme il a fait à الصفا. C'est-à-dire en direction de la Kaaba, dire trois fois Allahu Akbar, la formule que vous avez entendue, lever les mains pour faire les doigts, il fera ça trois fois et après il redescendra pour se diriger à nouveau vers As-Safa. وهذا الشوط de Safa al-Marwa, c'est compté comme un tour. ثم من المروة إلى الصفا إلى الصفا شوط آخر. Et de al-Marwa jusqu'à Safa, c'est compté comme un tour. Donc, de sorte qu'il va commencer à Safa et il terminera à Al-Marwa. حتى يتم السعي سبعة أشواط, jusqu'à terminer sept tours. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن. Ce سعي, le سعي, c'est le nom qui est donné à cette action. Cette adoration de va-et-vient entre Safa et Marwa. On appelle ça as-sa'i. Cette action-là, on l'appelle as-sa'i. Pour celui qui est venu seulement pour le hajj, il a fait l'ifrad. Ou pour celui qui a fait al-qiran, la umrah et le hajj, avec le même état de sacralisation, pour ces deux-là, ces deux catégories de gens, ce sa'i, pour eux, c'est le sa'i du hajj. C'est le sa'i du hajj. وَلَا يَتَحَلَّلَانِ بَعْدَهُ Et ils ne pourront pas se désacraliser après. Ils resteront en état de sacralisation. بَلْ يَبْقَيَانِ بِإِحْرَامِهِمَا Ils doivent rester dans leur état de sacralisation. وَهُوَ سَعْيُ الْعُمْرَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ Mais pour celui qui est venu en tamattu', un état de sacralisation pour la umrah et un autre état de sacralisation pour le hajj, pour lui, ce sa'i, c'est le sa'i de la umrah. C'est le sa'i de la umrah. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه. Et donc le mutamatti', celui qui est venu en état de tamattu', il pourra, après avoir terminé cette umrah, après ce sa'i, il pourra couper ses cheveux. D'accord ? Le mieux à la base, c'est de se raser la tête. Il est permis de se tailler les cheveux. Mais quand on dit tailler les cheveux, c'est partout pareil. Partout dans la tête, pareil. Raser, la même chose. Quand on se rase toute la tête pareillement. Mais là, comme c'est une umrah qui est accomplie juste avant le hajj va être accompli dans pas beaucoup de temps. Donc, il faut garder des cheveux pour pouvoir les couper, les raser pendant, après les rites du hajj. Donc, c'est pour cela que là, il dit quoi ? Il dit de se tailler les cheveux, puis il pourra mettre ses habits. Il pourra quitter les vêtements de l'ihram, les étoffes de l'ihram, et mettre ses habits. Hatta idha kana yawm at-tarwiya. Et il attendra le jour de at-tarwiya. Tout le monde attend le jour de at-tarwiya. Le jour de at-tarwiya, ce jour-là, c'est le premier jour du pèlerinage. C'est là où commencent réellement les rites propres au pèlerinage. C'est le 8, c'est une date bien précise, le 8 de Dhul-Hijjah. C'est le 8 de Dhul-Hijjah, on l'appelle Yawmu At-Tarwiya. Wa huwa Yawmu Thamin min Dhul-Hijjah. Ahram al-mutamatti' bil-hajj min makanihi. Le mutamatti', celui qui est venu avec un état de sacralisation pour la Umrah et un état de sacralisation pour le Hajj, lui, c'est lui qui est concerné à ce moment-là du lieu où il se trouve, donc dans son hôtel. Il se mettra en état de sacralisation de son hôtel. Donc, il pourra faire une douche, faire tout ce qu'il a fait comme il a fait dans le miqat, puis remettre à nouveau les habits de l'ihram, comme on a vu précédemment. Là, ça concerne que le mutamatti'. On ne parle pas de al-qarin ou al-mufrid. Pourquoi ? Parce que le qarin ou le mufrid, il est toujours en état de sacralisation. Il ne s'est pas désacralisé. D'accord ? Il est toujours en état de sacralisation. Mais le mutamatti', lui, il s'est désacralisé lorsqu'il a fini sa umrah. Donc ce jour-là, il se mettra le matin, il se mettra en état de sacralisation. Depuis son lieu. وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَحَلِّيِّينَ بِمَكَّةَ وَقُرْبِهَا De même feront les habitants de la Mecque et les environs qui veulent accomplir le pèlerinage. Ils devront aussi, de la même manière, se mettre en état de sacralisation. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا فَعَلَهُ عِنْدَ الْمِيقَاتِ مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّبِ وَالتَّنَظُّفِ Et il lui est recommandé de faire comme ce qu'il a fait lorsqu'il s'est mis en état de sacralisation, al-miqat, comme on a vu précédemment. وَيَتَوَجَّهُ جَمِيعُ الْحُجَّاجِ إِلَى مِنَى مُلَبِّينَ Et tous les pèlerins vont se diriger vers le lieu qui s'appelle Mina. Le huitième jour de Dhul-Hijjah, Yawm al-Tarwiya, les pèlerins doivent se retrouver dans ce territoire qu'on appelle Mina, où il y a les campements. En faisant التلبية, التلبية, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر Et ils vont rester à Mina pour y prier. Donc ils vont arriver en fin de matinée, dans la matinée, et ils vont prier là-bas. الظهر العصر المغرب Al-Isha, ils vont passer la nuit et ils vont prier la prière de l'Fajr. Ces cinq prières-là, ils vont les accomplir à Mina. Biqasr al-ruba'iyya min ghayri jam'a. En diminuant le nombre de raka'a pour les prières comportant quatre raka'a. C'est-à-dire al-dhuhr, al-asr, al-isha. Et on ne les réunit pas, chaque prière toute seule. Ce jour-là, chaque prière doit être priée toute seule. Le dhuhr tout seul, le asr tout seul, ainsi de suite. Seulement celle qui comporte quatre raka'a, on n'en fera que deux raka'a. ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة. Donc le lendemain, on a fait le Fajr, on est le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Dans la matinée, les pèlerins se dirigent vers un autre campement, un autre territoire, pas très loin, à quelques kilomètres, qui s'appelle Arafa. Et c'est le jour de Arafa. Hein, dans le monde musulman, les musulmans, il leur est recommandé de jeûner ce jour-là. Hein, c'est un jour dont il est bien de le jeûner, pas pour le pèlerin. Le pèlerin, il est occupé avec son pèlerinage. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas en pèlerinage. فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ بِنَمِرَ إِلَى الزَّوَالِ فَحَسَنْ. Si il peut aller à Namira, qui est un endroit à côté de Arafa, où il y a la mosquée qui porte le nom, Masjid Namira, la grande mosquée, où il y a le discours fait, le discours du jour de Arafa. Donc, souvent, c'est le mufti du pays ou un autre shir qui fait le discours de ce jour. Donc, s'il peut y aller à cet endroit-là, c'est bien. Sinon, tout Arafa est un lieu pour stationner. وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ الْإِمَامِ. Donc après que le soleil s'est décliné de l'horizon, donc c'est l'heure de dhuhr, c'est l'heure de dhuhr, il est recommandé à l'imam de faire un discours. أَوْ نَائِبُهُ خُطْبَةً قَصِيرَةً. Lui ou son suppléant fera un discours qui est un discours pas très long. ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. Puis après ce discours, on va accomplir la prière de dhuhr et de l'asr regroupés à l'heure de dhuhr. À l'heure de dhuhr, on est dans l'heure de dhuhr, on fait le dhuhr de rak'a et le asr juste derrière de rak'a. ثم يدخل عرفة et il reste à عرفة, il passera la journée à عرفة. ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة. Et le pèlerin devra se rassurer d'être bien dans le territoire de عرفة. Surtout les personnes qui se retrouvent à Namira. Parce que la mosquée de Namira, c'est une très grande mosquée. La mosquée en entier n'est pas dans le territoire de Arafa. Il y a une partie de la mosquée qui fait partie de Arafa et une autre qui fait partie de Namira, qui n'est donc en dehors. Si quelqu'un a passé toute la journée jusqu'au soir, celui-là, il a raté son pèlerinage. Puisqu'il a raté la station dans Arafa. Donc, il faut faire attention à cela, surtout pour ces personnes qui se trouvent dans cet endroit-là. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ. Et il se met face à la Qibla. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُ وَيُلَبِّي. Il invoque Allah Azza wa Jal. Il faut profiter de ces moments pour beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal et faire la talbiya. وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَيَجْتَهِدْ فِي التَّدَرُّعْ وَالذِّكْرْ وَالدُّعَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ. Il loue Allah, tabaraka wa ta'ala. Il remercie Allah Azza wa Jal. Il fait des efforts de montrer sa faiblesse, sa pauvreté face à Allah Azza wa Jal, en se rappelant de lui, en évoquant son nom, en l'invoquant dans ce grand jour. Wa afdalu ma yuqalu fi dhalika al-yawm. Et la meilleure formule à dire, à prononcer ce jour-là, c'est la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette formule-là, c'est la meilleure formule à dire ce jour-là. Comme l'a bien dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure parole que j'ai dit moi et les prophètes qui m'ont précédé le jour de Arafah, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa yakunu fi dhalika al-yawm muftiran. Bien sûr, le pèlerin, ce jour-là, ne doit pas être en état de jeûne. C'est un jour où il mange comme les autres jours. لِأَنَّهُ أَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ pour qu'il soit encore plus fort dans l'adoration. وَلَا يَزَالُ وَاقِفًا مُتَدَرِّعًا مُتَذَلِّلًا إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ et il s'efforcera de rester stationné dans cet endroit debout, montrant son manquement et son besoin à son Seigneur تبارك وتعالى en l'invoquant jusqu'à que le soleil se couche. فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة. Après le coucher du soleil, il commence à quitter cet endroit, l'endroit de Arafah, avec quiétude et apaisement et tranquillité. ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة. Donc, et il ira vers l'endroit qu'on appelle un autre territoire qui s'appelle Muzdalifa, pour y passer la nuit. Et il formulera durant son trajet at-talbiyah hatta ya'ti muzdalifa fa yusalli biha al-maghrib wal 'isha jam'an wa yuqassir al-'isha. Et arriva à Muzdalifa donc l'heure de le maghrib est rentrée alors qu'il était encore à Arafah, mais il ne priera pas à ce moment-là. La prière n'est pas demandée à ce moment-là. La sunna nous enseigne de la retarder pour la prier avec l'isha. Donc, quand on arrivera à Muzdalifa, ça sera l'heure de l'Isha. Arrive à Muzdalifa, c'est la première chose à faire, c'est d'accomplir la prière de l'Maghrib et l'Isha, regroupée à l'heure de l'Isha. Le Maghrib garde ses 3 rak'a et le Isha, qui à la base comporte 4 rak'a, on le raccourcit en faisant seulement 2 rak'a. وَرُخِّصَ لِلْضَعَفَ أن يخرجوا من مزدلفة بليل. Les faibles, les gens en difficulté, les gens qui ont des incapacités, cela, il leur est permis, dérogation leur est faite, de quitter مزدلفة pendant la nuit. ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر. La personne qui est forte, la personne, alhamdoulilah, qui n'a pas de problème ni de souci, celui-là devra rester à مزدلفة et passer la nuit jusqu'à y prier. La prière de Al-Fajr. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا. Puis, après avoir prié le Fajr, il se met face à la Qibla. Il loue Allah, tabarak wa ta'ala, proclame sa grandeur, proclame l'unicité d'Allah, tabarak wa ta'ala, en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc, il évoque le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala, glorifie Allah, azza wa jal, jusqu'à que approche le lever du soleil. Jusqu'à approche le lever du soleil. ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. Et juste un peu le lever complet du soleil, il quittera ce territoire de مزدلفة. وعليه السكينة. Il y va avec quiétude et apaisement. ويتلقط سبع حصيات من الطريق. Dans le trajet, il pourra ramasser des petites caillasses pour s'en servir, pour lapider la stèle. Là, on est le troisième jour de l'Hajj. On est le dixième jour de Dhul-Hijja. Le dixième jour de Dhul-Hijja, c'est le jour de l'Eid. C'est Eid al-Adha. Dans le monde musulman, c'est la grande fête. La fête du sacrifice du mouton. Et le pèlerin, ce jour-là, il a beaucoup de rites à accomplir. Donc là, on est le matin du jour de l'Eid. Donc, il ramasse quelques caillasses, 7 caillasses, pour pouvoir lapider. حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية. Arrivé devant la stèle de lapidation, il y a 3 stèles. Mais ce jour-là, il n'y en a qu'une qui concerne le pèlerin, c'est la grande. Pour celui qui arrive, ce sera la dernière. Parce que la première qu'il fera face, c'est la petite, puis la médiane, puis puis la grande. Donc la dernière, celle qui est la plus proche de la Mecque. Celle-là, on l'appelle Jamratu al-Aqaba. On l'appelle aussi Jamratu al-Aqaba, c'est la grande. C'est la seule à lapider ce jour-là. Donc, il jettera les sept petites cases une à une en disant à chaque fois Allahu Akbar. Et il arrêtera, à ce moment-là, s'arrête la formule de At-Talbiya. At-Talbiya, on l'a dit depuis qu'on s'est mis en état de sacralisation jusqu'à ce moment-là. Thumma yanhar hadiyahu. Puis, il va immoler sa bête. Bon, en règle générale, ça sera fait par procuration. Dans l'abattoir, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez payé votre bête à sacrifier et il y a du personnel pour le faire. Mais le mieux, tant que c'est possible, c'est que la personne le fait lui-même. Et il est aussi recommandé de manger de la viande de son sacrifice. Puis il va raser sa tête. La femme, elle n'est pas concernée par le rasage de la tête. Elle, il lui est demandé seulement de prendre le bout de ses cheveux et de couper des mèches de ses cheveux de la taille d'une phalange. De la taille d'une phalange. Un petit bout de doigt. Que ce soit après la Umrah ou après le Hajj, c'est ce qui lui est demandé à la femme. Puis, il va retourner à la Mecque. Une fois qu'il a fini ses rituels-là, il va aller à la Mecque pour rejoindre la mosquée sacrée et accomplir le tawaf qu'on appelle tawaf al-ifada. Wa yas'a sa'y al-hajj in kana. Et après le tawaf, il fera le sa'y du hajj. Pour celui qui était mutamattir, qui a fait deux états de sacralisation, l'un pour la Umrah et l'un pour le Hajj. Le tawaf et le sa'i qu'il a fait au début, c'est ceux de la Umrah. Et là, il fera le tawaf et le sa'i pour le Hajj. Al-Ifada et le sa'i du Hajj. Ou kana mufridan ou qarinan wa lam yas'a ma'a tawaf al-qudum. Et al-qarin, celui qui est venu avec le même état de sacralisation pour le Hajj et la Umrah. Et Al-Mufrid, celui qui est venu que pour le Hajj, s'il n'a pas fait le Sa'i à son arrivée, quand il a fait le Tawaf, il devra le faire à ce moment-là. Mais s'il l'a fait, comme on a vu précédemment, il l'a fait avec le Tawaf à son arrivée, il n'aura pas besoin de refaire le Sa'i. أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع الطواف القدوم والسنة ترتيب هذه الأعمال et la sunna veut qu'on respecte l'ordre de ces actes à accomplir comme on a vu الرمي la lapidation فالذبح après la lapidation d'immoler la bête فالحلق après c'est le sacrifice de la bête on se rase la tête أو التقصير ولو de se tailler les cheveux فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج mais si la personne a fait dans le désordre ces actions là qu'on vient de citer ces actions propres qu'on vient de citer alors il n'y a pas de mal mais le mieux c'est de respecter l'ordre qu'on a vu وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال رمي الجمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه السعي تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. Et s'il a fait que deux choses au lieu des trois, si toutes ces actions qu'on a citées n'ont pas été accomplies complètement, il en a fait quelques-uns, mais il lui en manque un. Mais il lui en manque un. Pendant qu'il lui en manque un, il sera en état de désacralisation mineure. C'est-à-dire que tout ce qui lui était interdit en état de sacralisation lui devient autorisé, sauf d'approcher son épouse. Pour celui qui a son épouse avec lui, il ne pourra pas l'approcher. Parce que pour l'approcher, il faudra être en état de désacralisation majeure, totale. Et pour cela, il faut que tous les actes soient accomplis. Donc, s'il n'a pas accompli tous les actes de ce jour, il sera seulement en état de désacralisation mineure. Il y a trois grandes actions à accomplir. S'il en a fait que deux, il manque le troisième, il sera seulement en état de désacralisation mineure. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. Et s'il a fait toutes les actions qui sont demandées, les trois actions, alors là, il sera en état de désacralisation totale, l'état de désacralisation majeure, et tout lui redevient autorisé, même d'approcher son épouse. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا. Et après cela, il devra retourner à Mina pour y dormir, passer la nuit du 11 et du 12 de Dhul-Hijjah, les deux nuits suivantes. Ceci est un acte obligatoire pour lui. وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ يَوْمَ الْحَادِ عَشَرْ بَادِئًا بِالصُّغْرَ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْكُبْرَى. Donc le 11e jour, le lendemain du Eid, il ira lapider les trois stèles, en commençant par la petite, c'est la première qu'on trouve face à nous, puis la médiane, puis la grande. 7, 7, 7. Cette petite caillasse, à chacune, ce qui fait par jour 21. Et il fera la même chose le lendemain, le 12 de Dhul-Hijjah. Il fera la même chose que la veille. وَيَبْدَأُ وَقْتُ الرَّمِي مِنَ الزَّوَالِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. Et la lapidation commence le moment où débute la lapidation, c'est depuis le zénith. Hein? Juste l'heure de pratiquement de dhuhr, ou un peu avant, jusqu'à la prière de al-fajr, jusqu'au lever du fajr. وَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الصُّغْرَى سُنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا عَنْ يَمِينِهِ وَيَقُومَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو. Et il est recommandé, il est légiféré, après avoir lapidé la petite stèle, donc la première, de avancer un peu vers le côté droit de la stèle pour lever les mains et invoquer Allah Azza wa Jal. وَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى سُنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمْ وَيَأْخُذْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَيَقُومْ طَوِيلًا يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ. Et après avoir lapidé la stèle médiane, celle du milieu, il lui recommandait de se mettre sur le côté gauche, quelques pas sur le côté gauche de la stèle médiane pour lever les mains et invoquer longuement Allah Azza wa Jal. وَلَا يَقِفُ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. Mais après avoir lapidé la grande stèle, qu'on appelle Jamratul Aqaba, il n'est pas légiféré de faire des doigts pour celle-là. C'est seulement pour la première, on se met sur le côté droit pour faire des doigts. La seconde, on se met sur le côté gauche pour faire des doigts. Et après avoir lapidé la troisième, on s'en va. Il ne nous est pas demandé de stationner pour faire des doigts. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِنَا يَوْمَ الثَّانِي عَشَرْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. S'il est pressé de quitter les lieux, de terminer son hajj, alors il devra quitter Mina le 12e jour de Dhul-Hijjah avant le coucher du soleil. Il devra quitter les lieux avant le coucher du soleil. Car s'il ne l'a pas fait, il devra rester le jour suivant. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. Si de son plein gré, volontairement, c'est lui qui a été négligent, c'est lui qui a eu dû laisser aller, et l'heure du maghrib est arrivée et il n'a pas quitté les lieux, il devra obligatoirement rester la nuit pour lapider encore le lendemain. C'est-à-dire que si c'est malgré lui, S'il a entrepris de partir, mais il y avait la circulation, il y avait les embouteillages, et ça ne roulait pas vite, et l'heure du maghrib est arrivée, et il n'est pas encore arrivé à Mecca, ce n'est pas grave, parce que ça c'est malgré lui. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة donc et il restera le 13 de Dhul-Hijjah pour lapider et c'est le dernier jour de du pèlerinage le dernier jour du pèlerinage donc au final le pèlerinage pour celui qui est pressé et qui est parti plus tôt aura duré 5 jours et pour celui qui le fait complètement il aura duré 6 jours ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع. Puis, lorsque il est à la Mecque et son séjour vient à terminer, la dernière chose à faire, c'est de faire le tawaf, de tourner autour de la Kaaba. On appelle ça tawaf d'adieu, tawaf al-wada'a. Et que la dernière chose qu'il a à faire à la Mecque, c'est de tourner autour de la Kaaba, donc le tawaf de, d'adieu. Wa yasqutu hadha al-tawaf عن الحائض والنفساء. Et la femme qui est en état de menstrue ou en état de lochi, donc il ne peut pas faire le tawaf car elle est en état d'impureté majeure. Donc elle ne peut pas, celle-là, elle est excusée, elle n'aura rien à faire. Donc elle n'aura pas le tawaf d'adieu à faire et elle n'y aura pas d'expiation pour cela. Elle est excusée et pardonnée. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين